moi je ne suis pas sous l'arrêt. Tout le monde m'appelle sous l'arrêt, moi je ne suis pas sous l'arrêt. Moi je suis un combattant, j'ai fait la...